deux grenouilles. Avec un grand cri, deux grenouilles tombèrent dans un bol profond de crème. La première était du genre persévérant, mais l'autre sombra dans le désespoir. « Nous allons nous noyer !» se désola-t-elle, et avec un cri de détresse, elle coula en disant « Adieu !» Avec une mimique déterminée, la première grenouille dit « Je ne peux pas sortir, mais je n'abandonnerai pas. Je nagerai tout autour jusqu'à épuisement de mes forces, puis, s'il le faut, je mourrai satisfaite. » Bravement, elle nagea pour réaliser son projet et ses efforts commencèrent à battre la crème. Plus elle nageait agitant ses jambes, plus la crème se transformait en beurre. Au-dessus du beurre, enfin, elle s'arrêta et hors du bol, gaiement, sauta. Peu de choses peuvent être obtenues sans effort. Ceux qui se laissent décourager sont perdants. La victoire revient à celui qui essaye et essaye encore. Prends l'exemple de ces deux grenouilles.